Nayem belion zembo hoyola re Ezalim peliteya Horizon Massamba tu m'es placé d'un coup Yebisa masa bomelinga Naina yoki pe mingi bazali koke bisanga Soki oko bomba mbe Oyezana kate amotema na yo Heyebi kaka yo Yebisa yebisa la rue Yoko misi nga loko la zoba Libaleza liye loko alise kite Soki ozwi engagement mososo Ngaina tika anga mpobo moi bwa moto Mbaso mbakate Na yako tika mokili Sebo yepaili kameko ute banate Na yembe yo zembo hoyo lari Iza lipelite ya mpona yo Akise zaleli ya mwasi alibala Ajepe siye pusani Na yembe yo zembo hoyo lari Iza listoria ya vreya yo anga Touche mon cartano, non il bore. Jean Mayel, JDK de corps. Luxen Moussengi Moutoumonene, Kisong, Guy Luemba, na Richard Luemba, Combo na Ebandina E, Esukina E, et non propre na Ebandina M, Esukina A, Eric Kenzo, Luke Bobangi, Monsieur Dolce Cabana, Clara de Bruxelles. Na yebisaka bango tokotele mabiso banso na mazantom Gaspar na José de Riviera okote na tanga na yembelion zembo hoyo la rue ezali pelite ya mpona yo lakise zaleli ya mwasi alibala o ajepesie pusani na yembelion zembo hoyo la rue ezali historia ya vreya yo Aide Sungu Mokolo koyo kanga Eske yo kolela Tamango na mabako manda Eske yo kozala Sangona nga matoima Yo lukola mobaya Yo Yo Endo dinganga Yeah. Denise. Ya Denis Lokasa ya Mbongo. Ya Chadi Matebo. Bolingo basomba cartel. Bamema basi na ba boîte. Basombe la bango ba champagne ya 18e siècle. Bajibi ya 20 ans d'âge. Suka suka basinga ba moka kama. Maya moka sinanio. Ah, grand maître Mampouille. Jean Bobo Bing. Bébé Mafuta. Alexandre Pambou. Congo Rapide Ireman. Caps Kapangala. Trabé Matagi. Louison Polondo. Et jeune Malaba. Souké Zalagi Bino Bolingabo Salandengenine. Aïde Sungu au service de la nation. Diosiane. Wabanko. Pendo Dinganga. Toluka Atope Sava Mama Oya Fidèle. La diplôme ya mariage. Même Joël Photo, Staff Amiki. Et Mambo de Panama, Staff Akin. C'est lui Ambrose le Magic. Epsa Kinga Naïbisa. Boboule Yondela. Adios et bon bon passé. Léonela. Kebala Bala et Zalipona Moutonyonso. Voir même Clément Bilongo, maillot jaune. Tonino Fernando, Didier Six, Medar Sim, Mimi Mambo. Même ça, il y a bien. A taz, on a beau savoir mon corps. On a été parce que possibilité de la terre, on a beaucoup de choses. Jean 120, Jean-Claude Kimbembi, Roger Vemba, Yo Martin Mampangou. Parce que je ne vais pas autant, on n'est pas moi, moi, sans moi. Sacré Bouloulou, Ange Nicler, Jason Sana, oui papa Ibsa Kangoke, Maki Aliboso Bambo Abalia Kine, Yambala Oyo Bambo Oliate, Mama Vali, Alphonse Mavuela, Christian Bambo, Ricardo Elumbo, Hérité Itele, Wolf, Okamata Mama Bokota na piste. Ah, Mijan, Malubombo Kanamo Fleury, Brigitte Kinsi. Nabi Geli Solan Weza et Panamino, Azol Lobelatro, Eva la Makwise, Fogi Toro, Kolo Mabele, Boa Mbomba.